Section 19. De Essai sur les révolutions, suivi des études historiques, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Préface. Suite. École historique de l'Allemagne. Philosophie de l'histoire. L'histoire en Angleterre et en Italie. Auprès de nous, tandis que nous fondions notre école politique, l'Allemagne établissait ses nouvelles doctrines et nous devançait dans les hautes régions de l'intelligence. Elle faisait entrer la philosophie dans l'histoire, non cette philosophie du XVIIIe siècle qui consistait à rendre des arrêts moraux ou anti-religieux, mais cette philosophie qui tient à l'essence des êtres, qui, pénétrant l'enveloppe du monde sensible, cherche s'il n'y a point sous cette enveloppe quelque chose de plus réel, de plus vivant, cause des phénomènes sociaux. Découvrir les lois qui régissent l'espèce humaine, prendre pour base d'opération les trois ou quatre grandes traditions répandues chez tous les peuples de la Terre, reconstruire la société sur ces traditions de la même manière qu'on restaure un monument d'après ses ruines, suivre le développement des idées et des institutions chez cette société, signaler ces transformations, s'enquérir de l'histoire s'il n'existe pas dans l'humanité quelque mouvement naturel, lequel, se manifestant à des époques fixes, dans des positions données, peut faire prédire le retour de telle ou telle révolution, comme on annonce la réapparition des comètes dont les courbes ont été calculées, ce sont là d'immenses intérêts. Qu'est-ce que l'homme? D'où vient-il? Où va-t-il? Qu'est-il venu faire ici-bas? Quelles sont ses destinées? Les archives du monde fournissent-elles des réponses à ces questions? Trouve-t-on à chaque origine nationale un âge religieux? De cet âge passe-t-on à un âge héroïque? De cet âge héroïque à un âge social? De cet âge social à un âge proprement dit humain? De cet âge humain à un âge philosophique? Y a-t-il un Homère qui chante en tout pays, dans différentes langues, au berceau de tous les peuples? L'Allemagne se divise sur ces questions en deux parties, le parti philosophique historique et le parti historique. Le parti philosophique historique, à la tête duquel se met M. Hegel, prétend que l'âme universelle se manifeste dans l'humanité par quatre modes. L'un substantiel, identique, immobile, on le trouve dans l'Orient. L'autre individuel, varié, actif, on le voit dans la Grèce. Le troisième, se composant des deux premiers dans une lutte perpétuelle, il était à Rome. Le quatrième, sortant de la lutte du troisième pour harmonier ce qui était divers, il existe dans les nations d'origine germanique. Ainsi l'Orient, la Grèce, Rome, la Germanie offrent les quatre formes et les quatre principes historiques de la société. Chaque grande masse de peuples, placée dans ces catégories géographiques, tire de ses positions diverses la nature de son génie, le caractère de ses lois, le genre des événements de sa vie sociale. Le parti historique s'en tient au seul fait et rejette toute formule philosophique. Monsieur Niebuhr, son illustre chef, dont le monde lettré déplore la perte récente, a composé l'histoire romaine qui précéda Rome, mais il n'a point reconstruit son monument cyclopéen autour d'une idée. M. de Savigny, qui suit l'histoire du droit romain depuis son âge poétique jusqu'à l'âge philosophique où nous sommes parvenus, ne cherche point le principe abstrait qui semble avoir donné à ce droit une sorte d'éternité. L'école philosophique historique de nos voisins procède, comme on le voit, par synthèse, et l'école purement historique par l'analyse. Ce sont les deux méthodes naturellement applicables à l'idée et à la forme. L'école philosophique soutient que l'esprit humain crée les faits. L'école historique dit que le fait met en mouvement l'esprit humain. Cette dernière école reconnaît encore un enchaînement providentiel dans l'ordre des événements. Ces deux écoles prennent en Allemagne le nom de système rationnel et de système supernaturel. De concert avec les deux écoles historiques, marchent deux écoles théologiques qui s'unissent aux deux premières selon leurs diverses affinités. Ces écoles théologiques sont chrétiennes, mais l'une fait sortir le christianisme de la raison pure, l'autre de la révélation. Dans ce pays où les hautes études sont poussées si loin, il ne vient à la pensée de personne que l'absence de l'idée chrétienne dans la société soit une preuve des progrès de la civilisation. Les idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder sont trop célèbres pour ne les pas rappeler ici. Un passage de l'introduction de M. Quinet suffira pour les faire connaître. L'histoire, dans son commencement comme dans sa fin, et le spectacle de la liberté, la protestation du genre humain comme le monde qui l'enchaîne, le triomphe de l'infini sur le fini, l'affranchissement de l'esprit, le règne de l'âme. Le jour où la liberté manquerait au monde serait celui où l'histoire s'arrêterait. Poussé par une main invisible, non seulement le genre humain a brisé le sceau de l'univers et tenté une carrière inconnue jusque-là, mais il triomphe de lui-même, se dérobe à ses propres voies et, changeant incessamment de formes et d'idoles, chaque effort atteste que l'univers l'embarrasse et le gêne. En vain l'Orient, qui s'endort sur la foi de ses symboles, croit-il l'avoir enchaîné de tant de mystérieuses entraves. Sur le rivage opposé s'élève un peuple enfant qui se fera un jouet de ses énigmes et l'étouffera à son réveil. En vain la personnalité romaine a-t-elle tout absorbé pour tout dévorer. Au milieu de ce silence de l'Empire, est-ce une illusion décevante, un leurre poétique, que ce bruit sorti des forêts du Nord et qui n'est ni le frémissement des feuilles, ni le cri de l'aigle, ni le mugissement des bêtes sauvages? Ainsi, captif dans les bornes du monde, l'infini s'agite pour en sortir, et l'humanité qui l'a recueilli, saisie comme d'un vertige, s'en va, en présence de l'univers muet, cheminant de ruine en ruine, sans trouver où s'arrêter. C'est un voyageur pressé, plein d'ennui, loin de ses foyers, parti de l'Inde, avant le jour, à peine a-t-il reposé dans l'enceinte de Babylone, qu'il brise Babylone. Et resté sans abri, il s'enfuit chez les Perses, chez les Mèdes, dans la terre d'Égypte. Un siècle, une heure, et il brise Palmyre, Ecbatane et Memphis, et toujours en versant l'enceinte qu'il a recueillie, il quitte les Lydiens pour les Hellènes pour les Étrusques pour les Romains pour les Jettes, mais que sais-je ce qui va suivre? Quelle aveugle précipitation! Qui le presse? Comment ne craint-il pas de défaillir avant l'arrivée? Oh, si dans l'antique épopée nous suivons de mer en mer les destinées errantes d'Ulysse jusqu'à son île chérie, qui nous dira quand finiront les aventures de cet étrange voyageur et quand il verra de loin fumer les toits de son Ithaque? Ainsi, nous touchons aux premières limites de l'histoire. Nous quittons les phénomènes physiques pour entrer dans le dédale des révolutions qui marquent la vie de l'humanité. Adieu ces douces et paisibles retraites, ce repos immuable, cette fraîcheur et cette innocence dans les tableaux. L'air que nous allons respirer est dévorant, le terrain que nous foulons aux pieds est souillé de sang, les objets y vacillent dans une éternelle instabilité. Où reposer mes yeux? Le moindre grain de sable battu des vents a en lui plus d'éléments de durée que la fortune de Rome ou de Sparte. Dans tel réduit solitaire je connais tel petit ruisseau dont le doux murmure, le cours sinueux et les vivantes harmonies surpassent en antiquité les souvenirs de Nestor et les annales de Babylone. Aujourd'hui, comme au jour de Pline et de Columelle, la jacinthe se plaît dans les Gaules, la pervenche en Illyrie, la marguerite sur les ruines de Numance, et pendant qu'autour d'elle les villes ont changé de maîtres et de noms, que plusieurs sont rentrées dans le néant, que les civilisations se sont choquées et brisées, leurs paisibles générations ont traversé les âges, et se sont succédées l'une à l'autre jusqu'à nous, fraîches et riantes comme au jour des batailles. Cette permanence du monde matériel ne doit-elle donc ici qu'exciter de vains regrets? Et cette masse imposante n'est-elle là que pour mieux faire sentir ce qu'il y a d'éphémère et de tumultueux dans la succession des civilisations? À Dieu ne plaise, tout au contraire, elle se réfléchit dans le système entier des actions humaines et les marque d'un profond caractère de paix et de sérénité. Quand il a été établi que les vicissitudes de l'histoire ne naissent pas d'un vain caprice des volontés, mais qu'elles ont leur fondement dans les entrailles mêmes de l'univers, qu'elles en sont le résultat le plus élevé, et que c'était une condition du monde que nous voyons de faire naître à telle époque telle forme de civilisation, tel mouvement de progression, que ces divers phénomènes entrent en rapport avec le domaine entier de la nature et participent de son caractère, ainsi que toute autre espèce de production terrestre, les actions humaines se présentent alors comme un nouveau règne, qui a ses harmonies, ses contrastes et sa sphère déterminée. Ainsi s'exprime Herder par la voix de son éloquent interprète. Au surplus, ces nobles systèmes appliqués à l'histoire ne sont pas aussi nouveaux qu'ils le paraissent. Un homme patiemment endormi pendant un siècle et demi dans sa poussière vient de ressusciter pour réclamer sa gloire ajournée. Il avait devancé son temps. Quand l'ère des idées qu'il représentait est arrivée, elles ont été frappées à sa tombe et le réveillé. Je veux parler de Vico. Dans son ouvrage de la science nouvelle, Vico, laissant de côté l'histoire particulière des peuples, posa les fondements de l'histoire générale de l'espèce humaine. Tracer l'histoire universelle et éternelle, dit M. Michelet, dans sa traduction abrégée et son analyse précise et bien sentie du système de Vico, tracer l'histoire universelle éternelle qui se produit dans le temps sous la forme des histoires particulières. Décrire le cercle idéal dans lequel tourne le monde réel, voilà l'objet de la science nouvelle. Elle est tout à la fois la philosophie et l'histoire de l'humanité. Elle tire son unité de la religion, principe producteur et conservateur de la société. Jusqu'ici, on n'a parlé que de théologie naturelle. La science nouvelle est une théologie sociale, une démonstration historique de la Providence, une histoire des décrets par lesquels, à l'insu des hommes et souvent malgré eux, elle a gouverné la grande cité du genre humain. Qui ne ressentira un divin plaisir en ce corps mortel, lorsque nous contemplerons ce monde des nations, si varié de caractères, de temps et de lieux, dans l'uniformité des idées divines ? Selon Vico, les fondateurs de la société furent les géants ou les cyclopes. Les géants étaient sans loi et sans dieu. Le tonnerre gronda, ils s'effrayèrent, ils reconnurent une puissance supérieure à la leur, origine de l'idolâtrie. Née de la crédulité et non de l'imposture. L'idolâtrie fut nécessaire au monde, dit Vico. Elle dompta par les terreurs de la religion l'orgueil de la force. Elle prépara par la religion des sens la religion de la raison, et ensuite celle de la foi. Ce fut là le premier âge, âge poétique de la société. À cette époque, toutes les lois étaient religieuses. Vico, pour se débarrasser des questions théologiques, met à part le peuple de Dieu comme seul dépositaire de la vraie tradition et raisonne librement sur tout le reste. Avec la religion commence la société. Les premiers pères de famille deviennent les premiers prêtres, les premiers rois, les patriarches, pères et princes. Ce gouvernement de famille est cruel, absolu. Le père a le droit de vie et de mort sur ses enfants, de même que sa vie et sa mort sont soumises au Dieu qu'il a créé et qu'il a entendu dans le bruit de la foudre. De là, les sacrifices humains, les rites, les cérémonies religieuses, loi primitive de l'espèce humaine, loi qui se prolongea jusque dans le droit civil, successeur de cette première loi. Bientôt, des sauvages, qui étaient restés dans la promiscuité des biens et des femmes et dans l'anarchie qui en était la suite, se réfugièrent aux hôtels des forts, sur les hauteurs où les premières familles s'étaient rassemblées, sous le gouvernement des pères de famille ou des héros. Ces réfugiés devinrent les esclaves de leurs défenseurs, ils ne jouirent d'aucune prérogative des héros et particulièrement du mariage religieux ou solennel qui fonda la société domestique. Mais les réfugiés se multiplièrent et voulurent une part des terres qu'ils cultivaient. Partout où les héros ne furent pas assez puissants pour conserver la totalité des biens, ils cédèrent, à certaines conditions, des terres à leurs anciens esclaves. Telle fut la première loi agraire, l'origine des clientèles et des fiefs. Alors commença la cité. Les pères de famille devinrent la classe des nobles, des patriciens. Les réfugiés composèrent la classe des plébéiens, compagnons, clients, vassaux. Ils n'avaient aucun droit politique. Ils ne possédaient que la jouissance des terres concédées par les nobles. Les cités héroïques furent toutes gouvernées aristocratiquement. Elles étaient guerrières dans leur essence. Les habitants de ces cités, brigands ou pirates, au dehors, étaient éternellement divisés au dedans. Peu à peu, ces sociétés aristocratiques se transforment par l'accroissement de la partie démocratique en république populaire. Les États populaires se corrompent, le peuple, qui d'abord n'avait réclamé que l'égalité, veut dominer à son tour. L'anarchie survient et force le peuple à s'abriter dans la domination d'un seul. Le besoin de l'ordre fonde la monarchie comme le besoin de liberté avait fondé l'aristocratie et le besoin d'égalité, la démocratie. Si la monarchie n'arrête pas la corruption du peuple, ce peuple, dit Vico, devient esclave d'une nation meilleure qui le soumet par les armes et le sauve en le soumettant, car ce sont deux lois naturelles. Qui ne peut se gouverner obéira, et au meilleur l'empire du monde. Maxime contestable. La partie vraiment neuve du système de Vico est celle où il fait entrer l'histoire du droit civil dans l'histoire du droit politique. Il avait dirigé ses études de ce côté, ses premiers essais de jurisprudence et d'étymologie latine sont à tout prendre ses meilleurs ouvrages. Il démontre que la jurisprudence varie selon la forme des gouvernements, lesquels eux-mêmes sont nés des mœurs. Il observe que la première loi de la société, loi d'abord toute religieuse, pénétra et se prolongea dans l'ordre civil à travers les révolutions et les transformations politiques. Nul n'avait vu avant lui que si la jurisprudence des Romains était entourée de solennités et de mystères, c'est qu'elle découlait de l'antique droit religieux, et que ces mystères n'étaient point une imposture, un moyen de pouvoir inventé par les prêtres et par les nobles. À Rome, les actes appelés par excellence actes légitimes étaient accompagnés des rites sacrés. Pour que les mariages et les testaments fussent dits justes, c'est-à-dire supposant les droits de l'ordre politique le plus élevé, il fallait qu'ils eussent été légalisés par des cérémonies saintes. Cette belle remarque de Vico se peut appliquer à notre société même. Le christianisme qui la fonda à part, au milieu de la société païenne de Rome et de la Grèce ou chez les peuples barbares, la soumit à la loi religieuse. Le mariage et la sépulture ne furent solennels et légitimes parmi les fidèles qu'autant qu'ils furent chrétiennement autorisés. Le baptême fit de plus une chose solennelle et légitime de la naissance comme l'extrême onction consacra la mort. Les sept sacrements de l'Église furent des actes civils de la première société chrétienne. Tel est le système de Vico, système où il faut reconnaître un homme d'un grand entendement, mais un homme dominé par l'imagination et qui mêle à des vérités nouvelles des jeux d'esprit que ne peuvent approuver l'histoire, la raison et la saine logique. Ses idées sur l'idolâtrie, utiles selon lui aux hommes, sont insoutenables. Quand il fait d'Hercule, d'Hermès, d'Homère, d'Ésope, de Romulus, non des individus, mais un type idéal des mœurs et des idées d'une époque, il résonne visiblement contre les opérations naturelles de l'esprit humain. Le sauvage personnifie les arbres, les fleurs, les rochers, mais il n'allégorise pas le temps. Lorsque Vico dit que les hommes reprirent la taille antédiluvienne en redevenant sauvages après le déluge, il va contre la bonne physique. L'homme dans l'état bestial, comme tous les animaux, est chétif. C'est la société pour les hommes et la domesticité pour les animaux capables d'éducation qui développent la plus grande nature. Vico tranche encore trop légèrement la question sur la parole humaine. Il suppose qu'elle se perdit après le déluge et qu'il y eut une époque de mutisme pour le genre humain, qui, ce cas arrivé, n'aurait plus été qu'une espèce de famille de singes. Le verbe a-t-il été donné à l'homme avec la pensée ? Est-il né d'elle, comme le fruit sort de la fleur ? La parole, au contraire, est-elle révélée ? Immense question que Vico a résolue d'un trait de plume et que la rigueur de l'histoire ne permet pas d'adopter comme un fait incontestable. De nos jours, un écrivain français a renouvelé, en l'améliorant, une partie du système de Vico. La philosophie de M. Ballanche est une théosophie chrétienne. Selon cette philosophie, une loi providentielle générale gouverne l'ensemble des destinées humaines depuis le commencement jusqu'à la fin. Cette loi générale n'est autre chose que le développement de deux dogmes générateurs, la déchéance et la réhabilitation, dogmes qui se retrouvent dans toutes les traditions générales de l'humanité et qui sont le christianisme même. Le vif sentiment de ces deux dogmes produit une psychologie qui explique des facultés humaines en rendant compte de la nature intime de l'homme et qui se révèle dans la contexture des langues anciennes. L'homme, durant sa laborieuse carrière, cherche sans repos sa route de la déchéance à la réhabilitation pour arriver à l'unité perdue. M. Ballanche a voulu faire pénétrer le génie historique dans la région qui a précédé l'histoire. Son Orphée résume les 15 siècles de l'humanité antérieurs aux temps historiques. Il a réduit ensuite les 5 premiers siècles de l'histoire romaine à une synthèse, laquelle est en même temps une trilogie poétique et une psychologie de l'humanité. Je ne puis mieux achever de faire connaître la palingénésie sociale qu'en empruntant ce passage d'un excellent extrait de M. Desmousseaux de Givray, homme dont l'esprit est marqué d'un de ses caractères distincts qui se font reconnaître à l'instant dans l'ordre littéraire ou politique. interrogeant tour à tour les livres saints, les poésies primitives, l'histoire, M. Ballanche a déduit de leurs réponses concordantes une analogie parfaite entre le principe révélé et le principe rationnel. Et c'est là toute la pensée palingénésique. Il croit que la loi qui préside au progrès de l'humanité, soit qu'on la contemple dans la sphère religieuse, soit qu'on l'étudie dans la sphère philosophique, est une. Le titre à inscrire sur le frontispice de ses œuvres complètes pour en annoncer l'idée fondamentale pourrait donc être celui-ci, « Identité du dogme de la déchéance et de la réhabilitation du genre humain avec la loi philosophique de la perfectibilité ». Les Écritures nous montrent un homme succombant dans l'épreuve de l'obéissance, puis initié par sa chute même à la connaissance du bien et du mal, et plus tard rachetant sa faute par le sang d'une victime innocente et volontaire. Cet homme des Écritures, c'est à la fois Adam, le peuple juif et le genre humain. Le Fils de Dieu, venant sur la terre pour y mourir, offre une triple expiation. Par Marie, sa mère, il est le fils d'Adam, le fils de David, le fils de l'homme, c'est-à-dire l'enfant du premier pécheur, l'enfant du peuple choisi, l'enfant du genre humain. Il y a donc, en un sens mystique, identité entre un homme, une nation et l'humanité tout entière. Par ces trois unités vivantes, d'une nature semblable, quoique d'un ordre différent, il y a trois degrés nécessaires avant d'arriver à la perfection dont le salut dépend, à savoir l'épreuve, l'initiation, l'expiation. Eh bien, partout dans les croyances des peuples, partout dans les chants des poètes, partout dans les souvenirs de l'histoire, le mythe chrétien se reproduit. Au temps fabuleux, Prométhée ravit la flamme du ciel. Initié au secret des dieux, il expie sa témérité dans les tourments. Au temps héroïque, Orphée, initiateur des peuples, perd une seconde fois Eurydice parce qu'il a voulu surprendre le secret des enfers. Au temps historique, Brutus, après avoir consulté l'oracle, affranchit le patriciat de l'autorité des rois et le sang généreux de Lucrèce coule pour l'expiation. Plus tard, c'est Virginie, sacrifiée par son père, pure victime dont la mort consacre l'émancipation de la plèbe, c'est-à-dire l'initiation d'un peuple à la liberté. Dans ces faits, choisis au hasard entre mille autres faits analogues, l'épreuve à subir, l'énigme à deviner et le sacrifice d'une vie innocente, ces trois grands traits du mythe chrétien sont partout reconnaissables. Rechercher, restaurer, rapprocher ces lambeaux défigurés d'une idée à la fois une et triple, n'a été que la partie matérielle d'un grand travail, la tâche de l'érudition et de la science. Mais avoir appliqué au phénomène de la vie des nations le dogme chrétien, avoir retrouvé dans chaque peuple l'homme dont parle l'Écriture, voilà l'inspiration religieuse et en même temps la pensée philosophique. L'histoire vue de si haut ne convient peut-être pas à toutes les intelligences. Mais celles mêmes qui se plaisent aux lectures faciles trouveront un charme particulier dans la palingénésie sociale de M. Ballanche. Un style élégant et harmonieux revêt des pensées consolantes et pures. Il semble que l'on voit tous les secrets de la conscience calme et sereine de l'auteur comme à la tranquille et mystérieuse lumière de son imagination. Ce génie théosophique ne nous laisse rien à envier à l'Allemagne et à l'Italie. Je ne sais si Vico, Herder et M. Ballanche, en appliquant leurs formules à l'histoire, ne confondent pas un peu des sujets et des gens divers, mais certainement ils agrandissent l'homme. Il est bon que l'historien ait une haute idée de l'espèce humaine afin d'écrire avec plus de noblesse de ses droits et de ses libertés. Tandis que le mouvement des esprits dans la France et l'Allemagne s'accroissait, la Grande-Bretagne demeurait stationnaire. L'école d'Édimbourg a fait avancer les études philosophiques. Les esquisses de philosophie morale de Dugald Stewart ont été traduites par M. Jouffroy, jeune professeur qui commence à battre en ruine, avec une logique claire et puissante, des systèmes dont l'esprit du jour est infatué. Mais sous les rapports historiques, comme l'Angleterre jouit depuis longtemps de franchises considérables, comme elle s'est bien trouvée de ces franchises pour sa prospérité, sa paix et sa gloire, ces écrivains n'ont point été conduits à considérer les faits dans le but d'un meilleur avenir. La liberté aristocratique, qui jusqu'ici a dominé les libertés royales et populaires à Westminster, a jeté les idées dans un moule uniforme dont elles n'ont point cherché à se dégager. Cela se remarque jusque dans les écrivains économistes de la Grande-Bretagne. Ils envisagent l'impôt, le crédit, la propriété de tout genre, dans le sens des institutions actuelles de leur pays. Mais, par l'influence croissante de l'industrie, par l'importation des principes du continent, il se forme actuellement dans les trois Royaumes-Unis une classe d'hommes dont les idées ne sont plus anglaises. On les distingue très bien, ces idées, à leur couleur, dans les livres, dans les discours, à la Chambre des Lords, à la Chambre des Communes. Tôt ou tard, elles renverseront la Constitution de 1688. Le premier pas dans cette route a été l'émancipation de l'Irlande catholique, le second sera la réforme parlementaire. Alors, la vieille Angleterre aura ses révolutions et son histoire se renouvellera. En ces derniers temps, l'histoire d'Angleterre, par le docteur Lingard, s'est fait remarquer. Elle ne dispense point de lire les historiens des deux anciennes écoles, Whig et Tory. Il y a eu grand scandale lorsqu'on a vu un prêtre catholique anglais trouver Charles Ier coupable et ne blâmer que la forme dans l'exécution de ce prince. L'Angleterre n'était pas riche en mémoire. Ils commencent à s'y multiplier. Monsieur Hallam me semble avoir mieux réussi dans son histoire constitutionnelle d'Angleterre que dans son Europe au Moyen-Âge. Le génie de l'Italie était sorti de son vieux temple au bruit de la commotion européenne. Maintenant, ce génie est retourné à ses ruines, lieu de franchise pour les grandeurs tombées, la gloire persécutée et les talents malheureux. L'histoire des États-Unis par Botta ne peut être répudiée par la patrie des Villani, des Bentivoglio, des Giannone, des Davila, des Guicciardini et des Machiavel. Pour l'histoire ancienne, les Italiens seront toujours nos maîtres parce qu'ils en sont eux-mêmes la suite et qu'ils sont familiarisés avec sa langue et ses monuments. J'écrivais que le génie de l'Italie était retourné à ses ruines. Il me saisit la main et me force à me rétracter. Fin de la section 19.